Le plan de cette semaine à Assemblage requis. On parle du Grand Prix de Trois-Rivières qui se déroule en fin de semaine. Stéphanie nous parle de ses coups de cœur dans sa chronique Ton plat favori. Et les spectacles de cette semaine. Assemblage requis. Les oiseaux sont là puis ils nous lisent le journal d'en face. Tu sais, les oiseaux sont de fervents lecteurs du Exclaim et du Voir qu'on a en studio. Oui, absolument. Je viens de découvrir le Exclaim. J'ai hâte de lire ça. Hey, il y a Scott Pilgrim sur la couverture. Très, très excité. Ah, je vais en parler tantôt. Oh, Colin, c'est pas ton... Non, c'est pas mon plat favori, mais cette semaine, il y a la trame sonore qui sortait. Oui. Yes. Avec Beck, entre autres. Entre autres avec Beck, oui. Bienvenue à Assemblage Hockey, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et nous sommes le jeudi 12 août 2010. Bienvenue à vous et aux oiseaux. Oui, fin de l'été, j'ai vu déjà des feuilles qui tombaient par terre. Ça me déprime tellement, j'en reviens pas. Ah. C'est déjà la fin de l'été. Ben oui. Il ne reste que quelques semaines à notre émission estivale en pièces détachées. Dans l'émission d'aujourd'hui, on a plein de choses à vous présenter, dont une chronique, c'est un fait. Vous connaissez ça, vous aimez ça. C'est des trucs le fun à savoir et à discuter autour du nid. On vous régurgite de l'information en pleine bouche pour que vous n'ayez pas à la mâcher vous-même. C'est vraiment le fun à savoir, ça, Mathieu. C'est fun. On va commencer en musique avec la patate rose. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans l'émission d'aujourd'hui. Hein. Les gens s'intoniseront et verront au fur et à mesure. Hein. Yep. C'est un faux accent français, je l'ai pas du tout. En effet. Bref, la pâte à rose. Oui, on va aller écouter la pâte à rose avec la pièce Jesse Cock. C'est ça le nom de la pièce. Cock, c'est une sorte d'oiseau aussi. C'est un animal. C'est un animal terrestre. Ça vole pas. Ça vole pas. Non. Meilleure intro à vie, je pense. Absolument. friends. I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre la pièce Kiss with a Fist de Florence and the Machine. Mmh. Très bon. Ouais. Tantôt, on parlait de journaux. On disait que les oiseaux lisaient le journal derrière nous. Pourquoi que je parlais de ça? C'est parce que, Stéphanie, t'es arrivé quelque chose. En fait, c'est toi qui as provoqué quelque chose. Oui, cette semaine, parce que j'ai un emploi pour tout l'été. Et c'est la dernière semaine, cette semaine. Donc, moi, je travaillais de nuit. Et on a décidé, moi et un de mes amis avec qui je travaille, de faire des mauvais coups. La dernière semaine. On en a fait 5 en 2 jours. 5. Et le meilleur, c'était le dernier qu'on a fait la deuxième journée. Le premier coup qu'on avait fait, on s'était fait pogner par notre boss, mais il avait dit qu'il avait trouvé ça drôle. Il nous a pas chicané pendant tout, même si quelqu'un avait fait une plainte. Puis il a dit, moi, je trouve ça bien drôle, des mauvais coups. Tu nous raconteras pas les 4 autres, hein? Non. Non, OK. Ça va, sinon, ça pourrait être long. Oui. Et c'est ça. Finalement, on est... Vu qu'il a dit que ça ne dérangeait pas, on a décidé de faire un mauvais coup dans son bureau. On a tout emballé avec du papier journal. Mais quand je dis « tout », là, c'est sauf le plancher et les murs. Mais son bureau, sa chaise, les deux chaises qu'il y avait en avant de son bureau, son écran, son clavier, sa souris, sa tour d'ordinateur, son téléphone... Et tout. Ça va y faire comme des cadeaux à la fin, à déballer. Ouais, mais ouais. L'affaire, c'est que on a comme un big boss... Puis c'est le big boss qui est rentré dans le bureau avant. Uh-oh. Et lui, il l'a vraiment pas trouvé drôle. Parce qu'il essayait d'appeler mon boss, puis mon boss pouvait pas répondre parce que le téléphone est emballé. Mais lui, il a trouvé ça hyper drôle. Puis j'ai pris des photos, on a pris une vidéo. Et finalement, le big boss, présentement, il trouve ça drôle. On lui a fait écouter la vidéo aujourd'hui, puis il a trouvé ça comique. OK. Ça a pris combien de temps à faire ça, c'est ça? Ça a pris 2 heures. Juste 2 heures? À 2. Calme. C'est épouvantable. C'était tellement long. On pensait pas que ça allait être si long que ça. Les autres coups, ça nous a pris 15-20 minutes. Là. Mais celui-là, là, c'était cherry on top. Félicitations. Merci. Juste un autre. Rapide. Ah, c'est super facile. C'est pas super long à raconter, finalement. Il y en a un, on a fait des confettis. On en a mis partout sur et dans son bureau, dans ses livres, partout. Ça, c'est celui qui a fait la plainte. Ouais, mais ça doit être difficile à ramasser, ça. Hein? Ouais, ben c'est nous autres qui a fallu qu'il ramasse parce qu'il a fait une plainte, là. C'est ce que vous me guettiez. Non, on trouvait ça drôle, ça a pas pris du temps. Il y en a un autre, c'était le bordel dans son bureau. Fait qu'on a tout ramassé, on a tout caché. Ah, vous êtes vraiment pas correct, là. Il restait. Non, lui, il a trouvé ça cool. Il a dit, ah, ça va, j'ai pas besoin de faire mon ménage. Il y en a un autre, on a tout changé les meubles de place. On a mis une fan en équilibre sur des chaises qui étaient sur des bureaux. On a tout changé, c'était de l'art abstrait. Et l'autre, on a pris son bureau, on l'a viré de 180 degrés et on a tout remis à la bonne place. Wow. Fait qu'il rentrait dans son bureau comme si rien n'était. Ça paraissait pas, mais finalement, son bureau était viré de bord. C'est génial. Tout. Ouais. Génial. J'ai bien aimé ça, c'était une belle semaine. L'année prochaine, ça va être difficile de trouver mieux que ça, par exemple. Ah, oh, je peux me surpasser. Ah oui. J'aime les mauvais coups. T'as de l'imagination. Ouais. On aime ça. Yep. Absolument assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées en compagnie de Mathieu et de Stéphanie. On s'en va entendre deux pièces de l'album de OK Go. Et là, ce qui s'est passé récemment, il y a quelques semaines à peine de ça, OK Go, sur leur site internet, ont décidé de vendre leur CD à 1$. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont changé d'étiquette. Ils sont passés de, je crois que c'était EMI avant, grosse étiquette, en tout cas. Et puis là, ben maintenant, ils publient leur album sur une étiquette indépendante. Paracadou! Oh, comme Weezer. Et voilà, donc ils ont décidé de refaire le CD, même pochette, même truc, pas mal pareil, avec les nouveaux logos. Et puis deux pièces bonus, donc il y a la pièce Louisiana Land et This Too Shall Pass, Passion Pit Sunday Hangover Remix. Alors on va entendre les deux. Très très très bonne pièce, ça s'ajoute extrêmement bien à cet album-là, Of the Blue Color of the Sky. Et puis je vais quand même aller l'acheter même au prix régulier, hein, sur okgo.net ou encore sur iTunes, sans la petite pochette, sans le beau petit dépliant. Je sais pas si tu regardes un petit peu le dépliant. Oui, c'est vraiment intéressant. Je l'adore. C'est ça, il explique le concept à l'intérieur. Là, c'est un petit peu trop compliqué pour entrer dans les détails, là, mais il y a comme plein de couleurs et plein de graphiques et de petits points sur des lignes. Ils font différents graphiques avec les chansons. C'est vraiment cool. Avec le nombre de mots dans les paroles par rapport au livre The Influence of the Blue Ray of the Sunlight and of the Blue Color of the Sky, un livre qui a été publié en 1876 par le General A.J. Pleasanton. Bref, longue affaire, il compare les mots et les paragraphes et la longueur de plein d'affaires entre leur album et le livre. Bon, donc on va entendre ces deux pièces-là, Louisiana Land, suivi de This Too Shall Pass, Passion Pit Sunday Hangover Remix, à Assemblage Requis. Miss Antoinette, she went out with a song, and it's the love. et assemblage requis. This Too Shall Pass, Passion Pit, Sunday Hangover Remix, oui, une pièce de OK Go reprise par Passion Pit, pour une pièce qui a si tant peu de paroles, je trouve, This Too Shall Pass, la chanson originale. Il me semble qu'il répète beaucoup les mêmes bouts de phrases. Je pense que le reste des paroles sont même pas dans la chanson, dans le remix. When the morning comes, c'est when ça. The morning comes. Ouais, mais j'adore cette pièce-là, plus je l'écoute, le remix de Passion Pit, plus je l'aime. Donc je vous conseille d'aller acheter l'album avec... Louisiana Land et This Too Shall Pass, le remix, sur okgo.net. En fait, je sais même pas s'ils vendent encore le CD avec les deux pièces. Bon. Don't know. Don't know, don't care. Moi, j'avais déjà acheté l'autre d'avant. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était la version achetée à 1$ sur Internet pendant leur petite offre spéciale lors de leur changement d'étiquette. Voilà. Good. J'ai plein de petites nouvelles pour toi. Pour moi, ça? Oui, pour toi. Je suis donc bien chanceux. Juste pour toi. Tu te sens privilégié un peu. Oh oui. Donc, New Pornographers, un groupe qu'on fait vraiment gros jouer ici, ils ont sorti des nouvelles dates de spectacle pour les États-Unis et le Canada. Malheureusement, il n'y a pas de date au Québec, seulement deux dates canadiennes, une à Kingston en Ontario et une autre à Halifax. Tu connais The Sex Pistols? Oui, mais... Groupe punk, années 70. Mm-hmm. Bref, il y a un parfum des Sex Pistols qui va sortir vraiment bizarre, là. Hey. On sait que les gens qui sont fanatiques de l'anarchie se parfument vraiment beaucoup, tout le kit. Alors, c'est ça, ça va être dans un boîtier God Save the Queen, qui est un des emblèmes des Sex Pistols. Et ça a une odeur citronnée et poivrée. Et ça dit qu'il faut vraiment être anarchiste et s'éloigner des conventions, nanana. Pour vouloir sentir le citron. Pour vouloir ce parfum-là. Ça, ou être un bâtonnet de poisson. Si c'est un bâtonnet de poisson, c'est un de tes parfums préférés. Ouais, ça va sortir en septembre. Vous pouvez aller voir ça sur exclaim.ca. Aussi, vous dire exclaim. C'est une exclamation. Ok. Mets-y du punch un peu. Aussi, sur levoir.ca, la dernière petite nouvelle qu'on peut voir, c'est qu'il y a un clip non officiel pour Radio Radio. À vrai dire, c'est un clip qui a été fait par des fans de Radio Radio sur la pièce Nine Piece Luggage Set. C'est super drôle. C'est vraiment cool. C'est à voir. Oui. Aussi, Weezer, on en parle vraiment beaucoup. Il y a plusieurs nouvelles qui ont sorti récemment à propos d'eux. Ils sortent Hurley, leur prochain album, le 14 septembre. Et on peut voir maintenant la pochette du prochain album. Sur la pochette, c'est une photo de George Garcia, qui est qui fait le personnage Hurley dans Lost. Mm-hmm. Et qui n'est pas très beau à regarder, selon moi. Colin, Stéphanie, là, préjugé. Je m'excuse, il ne m'attire pas particulièrement. Donc, c'est ça. C'est des poils, c'est ça? Ouais. Tu peux faire la vaisselle avec sa barbe, c'est ça? Ouais, ouais. C'est... Mais bon. Bron. Alors, entre autres, il n'y a pas seulement la pochette qui est sortie, mais aussi leur premier single qui est Memories. Ils ont changé d'étiquette tout récemment et je me demandais justement si ça allait être plus indie vu qu'ils sont rendus avec une étiquette indépendante. Et oui, la voix, je trouve, est beaucoup plus indie sur ce single-là. C'est moins travaillé, mais le refrain, évidemment, est quand même accrocheur avec des influences pop. Mais c'est quand même moins pop que les derniers hits comme I Want You To, qui est sorti cette année, Pork and Beans et Beverly Hills. Et sur l'album, il va avoir une reprise de Coldplay, de Viva La Vida. OK, donc ils sont plus indie, mais ils font une reprise de Coldplay. C'est juste sur l'édition Deluxe, par exemple. Ah, OK. Juste l'édition Deluxe. Et dernière petite nouvelle, Matt et Kim vont sortir une nouvelle chanson ce mois-ci qui va paraître sur leur prochain album, qui va sortir à l'automne, leur troisième album, mais qui n'a pas encore de titre. Alors, ils voulaient l'appeler Deluxe, mais là, leur maison de disque a dit « Non, on peut pas l'appeler Deluxe, ça va être trop mélangeant. Si vous faites un album Deluxe de l'album Deluxe... » Mais ça serait génial, ça serait l'affaire la plus cool au monde. C'est ça qu'ils se sont dit ah, « ça va être cool l'appeler Deluxe, Deluxe. » Ben oui, Deluxe. Mais non. Ça a été refusé. Bah, gang de conformistes. Absolument. Alors, parlant de Weezer et de Matt and Kim, on va aller écouter les deux dans ce même ordre. On va aller écouter le nouvel extrait de Weezer, la pièce Memories. On écoute ça, Assemblage requis. C'est fou, 89 FM. Nous autres, là, pas d'affaires de censure et de bâton dans les roues. Là. Hein? Absolument pas. Non. Jamais, jamais. Still rage, watching all the freaky touch kids vomit, then have sex. à C'est fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fantastique. Vous écoutez Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Je suis en train de me dire, tu sais, le Facebook d'Assemblage requis me passe à jour souvent, tu sais. Ouais. Ouais. Tu me parlais d'un livre? Oui. C'est quoi ce livre? Un livre sur Facebook. Toi et moi, it's complicated. Okay. Ouais. Je vais regarder si c'est bel et bien ça, le titre du livre. Mais ouais, c'est ça. C'est un livre très court. C'est vraiment pas long à lire, si vous voulez lire ça. C'est... ouais, c'est ça. Toi et moi, it's complicated... de Dominique Bellavance. C'est un gars qui est au cégep. Ça commence qu'il se réveille le lendemain d'un party où il a fait un assez gros blackout. Puis lui, il est complètement obsédé par Facebook, comme la plupart des gens présentement. Mais là, on le voit vraiment dans le livre. C'est vraiment drôle. Il se réveille, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre son Facebook. Puis là, il dit tout. Là, tu vois ses updates de statut. Tu vois, ah, une fenêtre qui apparaît ou lui qui fait « j'aime » ou peu importe. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Là. Tu vois comment Facebook peut vraiment pas être hot dans une vie. Parce qu'à la fin du livre, là, c'est aïe aïe. Ah, j'adore l'idée. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est la première fois que je voyais ça, Facebook, dans un livre. Mm-hmm. Puis, je trouvais ça vraiment réaliste parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, incluant moi, qui sont obsédés par Facebook. Mm-hmm. T'as besoin d'y aller à tous les jours. Là. Ouais. C'est ça. On est tous comme ça. Moi, c'est le stress que ça me donne. Il y a une page pour Assemblage Rocky ouais. sur Facebook. Et puis, j'ai toujours comme l'impression que si j'en mets trop souvent, les gens vont me cacher. C'est parce que tu peux cacher les gens sur, ouais, sur ton feed. Et j'essaie de ne pas en mettre trop souvent, mais en même temps, en tout cas, c'est difficile. It's complicated. Yeah. Comme on dit. Toi et moi, it's complicated. Ouais, c'est cool. Il y avait des livres avec des lettres dedans. T'sais. Souvent, c'était la mode pendant quelques années. Oui, c'est vrai. Tout le monde avait des lettres dans les livres. Là. Facebook. Go for it. Twitter après ça. Ouais. SMS. Sinon, vous êtes à Assemblage Rocky, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Je m'excuse à Stéphanie de l'avoir fait parler d'un sujet sans trop la verser dans la blanche. C'est pas grave. Ça arrive. Tantôt, chronique, c'est un fait. Donc, on va se raconter un paquet de faits divers, là, dont un sur Old Spice, un sur Gilligan's Island et un sur le machin d'Oz. Eh ben, tantôt dans C'est un fait, mais pour l'instant, on va entendre First Aid Kit. Oui, avec la chanson qui nous les a fait connaître, Hard Believer. Ah, j'y crois, j'y crois. Ah oui. Sur C'est fou, 89 FM. So you ask for my opinion. Well, what is there to say? To be honest and just foolish won't make you wanna stay. You gotta go on. So many plans and so much you wanna do. Love is tough, time is rough. Love is tough, time is rough. See, you got your Bible, your delusion, imagery. Well, I don't need your eternity or your meaning to feel free. I just live because I love to, and that's enough, you see. So come preach about morality. That's just human sense to me. Love is tough, time is rough. Love is tough, time is rough. Qui est avec Hard Believer à Assemblage Rocky. Avec Mathieu Plante. Et Stéphanie Gagné, pourquoi tu chutes? Je chuchote pas, je parle juste très bas. OK. C'est-tu, y a-tu un secret à me dire? Non, c'est correct. Moi, j'ai quelques secrets à te dire, moi. Vas-y, je t'écoute. Je vais t'échuter, ça va, dans le cas où c'est un fait. Nos intros n'ont vraiment aucun sens, par exemple. On essaye de trouver un lien, mais il n'y en a pas. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, j'enseigne à Stéphanie Gagné, tel un professeur en stupidologie. En stupidologie. C'est des choses, donc, trouvées sur Internet, ça peut ne pas être tout à fait véridique, mais ils citent leurs sources qui disent sur les différents sites que je visite. Et les liens vers ces sites sont sur assemblagerequis.com si vous voulez aller les voir, ces sources. Savais-tu, Stéphanie, qu'au Japon, tu peux acheter des Cheetos à saveur de fraises? Ouais, c'est vrai. C'est des bons vieux Cheetos, là, mais trempés dans du glaçage aux fraises. Et comme les Cheetos normaux, ils viennent dans des sacs et ils viennent de la compagnie Frito-Lay. Donc, c'est vraiment la compagnie qui fabrique les Cheetos. On peut-tu s'en commander, tu penses? Sûrement. Sur eBay. Super sûr. Ça doit être vraiment bizarre. J'en veux tout de suite. Au Tibet, on dit que c'est de bonne manière de faire une grimace avec sa langue pour accueillir les gens, pour être gentil avec eux. Ah ouais. On dit qu'il y avait un roi cruel au Tibet dans le temps là, qui s'appelait Lang Dharma. Lang Dharma, peut-être Lang, c'est peut-être de là que ça vient le mot langue en français. Hein? On sait pas. Qui avait la langue noire. Les Tibétains croyaient que ce roi-là serait réincarné un jour. On se rappelle que ce roi-là était méchant, était cruel, qu'on dit. Donc, ils s'accueillaient, ils se disaient bonjour, les gens, en se montrant leur langue pour prouver qu'ils n'étaient pas la réincarnation de ce méchant roi. La tradition continue pendant des siècles et maintenant, ça sert comme symbole de respect. Intéressant. Les scientifiques ont créé une chèvre qui... comment qu'on appelle ça, tu sais, quand du lait sort, là? En tout cas, hein, ils font ça, là, ils sortent du lait, et à la place d'être du lait, dans leur... c'est de la soie, un petit peu comme les araignées. Les toiles d'araignée. C'est comme des petits fils. Ils ont réussi à faire une chèvre qui sort de la toile d'araignée de ses... OK. C'est ça. C'est ce que je me suis dit. Les États-Unis, c'est le seul pays qui a des stations-service Exxon. Est-ce que tu connais Exxon? Non. Bon, on les appelle SO. Ouais. Oui. Dans plusieurs États, plusieurs endroits, donc Exxon n'a pas le droit d'utiliser le nom SO. Hein? Là, on nous raconte toute l'histoire. Là, c'est que la compagnie de pétrole dominante à l'époque, ou en général, Standard Oil, a été séparée par la Cour suprême en 1911. C'était divisé en plusieurs compagnies régionales, dont Standard Oil of New Jersey, Standard Oil Company of New York, etc. Et puis, ces petites compagnies-là, voilà, avaient le droit d'utiliser le nom Standard, mais seulement dans les États qui étaient dans leur propre région. Donc, Standard Oil of New Jersey a commencé à utiliser le nom SO. Donc, Standard Oil, qui veut dire S-O, hein, ça? Comment c'est? S-O, S-O. S-O, S-O. Oui, Standard Oil. Donc, ils avaient le droit d'utiliser le nom S-O dans plusieurs États, New Jersey, Maryland, etc. Et plus tard, il y a eu une objection pour utiliser le nom S-O dans les autres États. En tout cas, grosse histoire, Exxon, S-O, c'est la même compagnie. Voilà. Bon. On dit qu'il n'y a pas de fourmis en Islande et en Antarctique, entre autres. Chanceux, parce que moi, j'en ai beaucoup dans mon appartement. Est-ce que t'es dans un demi-sous-sol? Oui. C'est le fun, hein, les demi-sous-sols? Ben, c'est pas demi-sous-sol, mais je suis au premier plancher, là. OK. Quand même. Donc, il y a plein d'endroits qui n'ont pas de fourmis dans le monde, dont certaines parties de la Polynésie et quelques îles dans les océans Atlantique et Indien. Mais à part de ça, il y a des fourmis pas mal partout. D'ailleurs, on nous dit dans ces faits-là que les fourmis comptent pour 15% de la masse, de la biomasse d'animaux terrestres. Donc, si tu pesais toute la vie animale sur Terre, dans le monde, là, sur la Terre, qui sont sur la Terre, 15% seraient des fourmis. Et quand même. Dans le Magicien d'Oz, tu connais le film original Magicien d'Oz? Oui, oui. Les cheveux de Dorothée changent de longueur. Oui, il y a même des photos dans l'article. Allez voir, à certains moments du film, les cheveux très très longs. À d'autres moments, ils sont beaucoup plus moyens. Savais-tu que le code régional du Cap Canaveral, tu sais, où les fusées sont projetées, hein? Bon, où elles décollent en Floride, donc le code régional, c'est 3-2-1. 3-2-1. Hein? Un crayon de bois là, typique peut écrire environ 45 000 mots ou faire une ligne qui dure 35 000 de long. Ça veut dire qu'en théorie, tu pourrais écrire Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou encore dessiner une ligne qui part de Baltimore et qui s'en va jusqu'à Washington, D.C. That's incredibly amazing! OK, quelques petits derniers, on va se dépêcher. Dans Gilligan's Island, l'émission Gilligan, le jeu naufragé, c'est ça, jouer naufragé en français. Le nom du professeur, c'était Roy Inkley. On l'a pas dit bien. Et le capitaine, c'était Jonas Grumby. Et le dernier pour l'instant, Pepto-Bismol a commencé comme un médicament pour enfants. Et son nom était très, très catchy, très accrocheur. Bismosal Mixture Cholera Infantum. Ah, c'est sûr que c'est comme dire Pogo, tu sais. Pogo. C'est aussi accrocheur. Et voilà. Une autre ronde de faits divers tout à l'heure, mais pour l'instant, on s'en va entendre une pièce de Malajubi. Malajubi? C'est Malajubi, je sais. Mais j'aime ça dire Malajubi. Je trouve ça cool et catchy. Oui. Un peu comme Pepto Bismol Cholera Infantum. On va aller écouter une pièce tirée de leur EP Control. On va aller écouter le blues des poumons. Pour y voir clair, pour voir plaire, pour faire de l'air, qu'est-ce qu'il faut faire? Le blues des poumons de Malajubi. Assemblage Requis. Assemblage Requis. Ouais. C'est ça. Bref, vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Et après cette pièce de Malajub, c'est le moment de la deuxième ronde de la connexion. C'est un fait, donc des choses véridiques, véritables et vérifiables. Bon. Savez-vous que dans le mois d'août 2010, il y a 5 dimanches, 5 lundis, 5 mardis, tout ça dans le même mois? Dans quel mois? Dans le mois d'août 2010. Celui-là, qu'on vit là. The one we're living in today. Oh! Mais apparemment, et là, on nous dit qu'il y a des rumeurs qui circulent sur Internet que c'est super rare, là, une fois par 823 ans. Genre. Non, du tout. Ils disent dans l'article que ça fait partie d'un cycle. Donc, en août 2009, il y a eu 5 samedis, 5 dimanches, 5 lundis. Août 2010, ça a 5 lundis, mardi, mercredi. Et la prochaine fois, on va avoir 5 dimanches, lundi et mardi dans le mois d'août. Ça va être en août 2021. Et voilà, 2021. 2021. Prochain fait, vous allez me dire, mais tout le monde sait ça. Mais moi, je ne savais pas, fait que je vous en parle. Darth Vader ne dit jamais « Luke, I am your father » dans Star Wars. Non. Contrairement à la croyance populaire, sa phrase est « No, I am your father. No, I am your father. » Non, je suis ton père. Ouais. Une autre citation qui est citée à tort et à travers, un petit peu partout, c'est « L'élémentaire, mon cher Watson. » De Sherlock Holmes. Ouais. Il dit pas ça dans aucune des histoires de Sir Arthur Conan Doyle. Mais ça vient de où? Ben c'est ça. Ça vient de où? Allez voir l'article. Que j'ai pas lu. Hein? Moi, je lis que les faits. En surface. C'est ma spécialité, la surface. Toutes les sortes de surface. Briques. À la fin des années 30, Old Spice était vendu comme une senteur de femme. Old Spice, oui. Et à ce moment-là, ça s'appelait Early American Old Spice. Pour les femmes. Pourtant, maintenant, le cliché, c'est quoi? C'est que Old Spice, ça sent du monsieur. Hein? Oui. Mais pas les nouveaux produits. After Hours. Excellent, j'aime ça. Je sens bon, tu me sentiras. Peut-être pas. Selon un rapport 2010, c'est ce qu'on appelle le Report Congress on White House Staff, le salaire combiné de tous les employés de la Maison-Blanche est de 38 796 307 $. Ça coûte cher. C'est l'argent. Aïe, l'argent. La loi de Murphy, tu connais la loi de Murphy? Oui. C'est celle qui dit que... Il y en a plusieurs. Murphy en a fait vraiment beaucoup. Okay. Dans mon cours de physique, j'avais comme un gros poster là, avec comme 80 trucs que Murphy a dit. Oh, ouais? Ouais. Ça, je savais pas ça. C'est un autre fait, ça, qu'on va rajouter à la liste. Ouais, mais il l'a sûrement sur Internet quelque part. Ouais, sûrement. Mais bref, celle qu'on connaît sous le nom de la loi de Murphy, là, comme la plus connue, c'est celle qui dit que tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Ouais. C'est la plus connue. Et c'est nommé pour l'ingénieur aérospatial Edward Murphy, qui travaillait sur des systèmes de safety critical, donc des systèmes qui s'assuraient de la sûreté des choses critiques. Ça veut dire ça? C'est ça? C'est un fait, ça? Ouais. C'est-tu à peu près ça? C'est à peu près ça. À peu près ça. Mais en anglais, mieux traduit sur le poster, j'imagine. Hein? Dans le fond, il s'assure que ce qui devrait mal tourner tourne pas mal. Ah, wow. Mais ça tourne mal. T'es carré. Un peu comme les ordinateurs PC. Bon. Dans les textes, au début, quand ils ont écrit Back to the Future, quand la personne a écrit Back to the Future, les premiers brouillons, la machine à remonter dans le temps était supposée, était construite à partir d'un vieux réfrigérateur. Donc, ça aurait pu être un vieux réfrigérateur dans le film. Copier, hein? Cool. Ouais. Vous connaissez la police Comics sans MS? C'est la police super, tu sais, sur les posters, toutes les affaires bidons de compagnie, tu sais, de petites compagnies, de petits magasins, Maman Papa, là. Tu sais, ils utilisent tout le temps la police comics sans MS, c'est comme une police genre bande dessinée un peu. Ah, ok, oui, ah, oui, bon. Oui. Donc, c'était créé en 1994, c'était inspiré par Batman et les bandes dessinées Watchmen. Cool, et maintenant, c'est abusé par tout le monde. Absolument. Un oiseau peut bouger chacune de ses plumes indépendamment en utilisant des petits muscles à l'intérieur de sa peau. Les yeux d'un aigle sont tellement... L'oiseau? L'aigle noir? C'est... Oui, exactement. Ça va être la pièce qu'on va jouer tantôt après. Non. Leurs yeux sont tellement gros dans leur socle, tu sais, où est-ce que tu mets les yeux? C'est comment ça s'appelle, ça, les trucs, hein? Où les yeux sont? Où tu mets tes yeux, j'ai dit. Hein, j'ai vraiment dit où tu mets tes yeux. Ouais, moi, je me réveille le matin, là. Pas que ça, sur ma table de nuit. Clonc. C'est ça. Donc, il n'y a pas de place pour les bouger dans l'endroit où on met les yeux. Pour un aigle, donc, pour regarder autour de lui, un aigle doit bouger toute sa tête au complet. Bon. Ouais. Parce que ses yeux sont 20 fois plus gros en proportion que par rapport à son corps que l'œil d'un être humain. Intéressant quand même. OK, fait en rafale. La personne moyenne a 1460 rêves par année. Les acteurs dans la première pièce à avoir été joués en anglais qui a été performée aux États-Unis ont été arrêtés parce que être acteur, c'est considéré comme diabolique. Les pirates portaient une boucle d'oreille parce qu'ils croyaient que ça améliorait leur vision. Avant les années 1800, il y avait pas de différence entre les souliers gauche et les souliers droits. Donc, il y avait un seul design, c'était un soulier. T'avais pas de soulier gauche, de soulier droit. Intéressant. Ooh. C'est selon le Book of Useless Information, dont d'où proviennent les quatre prochains faits avec lesquels on va terminer. Manger du chocolat, ça a déjà été considéré comme une tentation du diable. Oh, des fois, ça peut l'être. OK, oui. Mm-hmm. C'est quoi ton pourcentage préféré? 70%, 87%, 60%? Ça dépend comment je me sens. Comment tu te sens? Comme dans pourcent? Ouais. C'est comment je me pense. Quand on avale du miel, ça entre dans les vaisseaux sanguins à l'intérieur d'une période de 20 minutes. Ça se rend directement au sang, le miel. Straight through. Et puis, les mouches qu'on retrouve dans la maison, celles qui sont plus jeunes que 4 jours ne réagissent pas à la lumière et donc ne seront pas attirées par votre bug zapper avec des lumières. Ce qui attire les mouches, puis comme... Oui, je sais quoi. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est un fait. C'est un fait. C'est ça. Sur ce silence inconfortable. Tu ris de moi, là. Ouais. Je te comprends. Parle de ça, toi. À part de ça, on devrait aller écouter Romance is Boring. Ouais. Tu peux peser. OK. De Los Campesinos. Assemblage requis. Self-involved. You're trying not to be nervous. On vient puis on finit la deuxième heure d'Assemblage Rocky. On vient d'entendre Los Campesinos avec la pièce Romance is Boring, qui est un bon vieux classique des palmarès. C'est fou. Et vous, ben, je vous invite à rester là pour une deuxième heure d'Assemblage Rocky. Qu'est-ce qui s'en vient, Stéphanie, non? Il y a entre autres mon plat favori. Il y a aussi les spectacles de la semaine et les albums qui sont sortis cette semaine. J'en crois pas mes yeux, Sarah. Retour sur la deuxième heure d'Assemblage Rocky, votre émission estivale en pièces détachées, en compagnie de Stéphanie Gagné. Et de Mathieu Plante. Et de vous, les requins. Yeah. Les petits requins sont tout petits comme des petits requins. Oh, absolument. Ouais. Donc, deuxième heure qui va comprendre un paquet de choses hyper intéressantes, dont ton plat favori tantôt. Oui, mon plat favori, mais on va commencer avec les albums de cette semaine. What's up? What's up? What's up? What's up? Coming to go? Alors, cette semaine, si vous allez sur exclaim.ca, l'album de la semaine qu'on peut écouter pour toute la semaine, c'est Ray La Montagne and the Pariah Dogs, avec l'album God Willing and the Creek Don't Rise. Mais... God Willing and the Creek Don't Rise. On dirait une petite chanson à répondre. Tellement, hein? Mais l'album le plus intéressant qui sort cette semaine, c'est la trame sonore de Scott Pilgrim vs. The World. Parle-nous donc du film. Parce que tu connais plus l'histoire du film que moi. Ouais, c'est ça. Ben, je connais le film par sa bande-annonce et parce que j'en ai lu sur des sites internet. Mais j'ai pas encore lu les bandes dessinées sur lesquelles c'est basé. Je les ai commandées. J'ai hâte de les recevoir. Je suis excité. Je suis comme mais tout fébrile. Mais l'histoire, c'est bon, quoi donc, qui se passe? Okay. C'est l'histoire d'un gars qui est joué par Michael Cera. Oui, Michael Cera qu'on aime tellement. Ah, il est tellement cute. Et là, il veut sortir avec Ramona Flowers. Uh-huh. Et puis là, il faut qu'il affronte ses ex-copains dans des batailles. Pour gagner le cœur de Ramona Flowers. C'est des batailles genre très super héros, là. Super héros, jeux vidéo, ouais. Super geek. Mais c'est ouais. Ça. J'essaie de pas trop me renseigner parce que je veux lire les livres avant d'aller voir le film. Puis là, le film, il est sorti. Là. Il est sorti là? Il sort là? Hier, j'étais allé au cinéma puis je l'ai pas vu. OK, il sort la semaine prochaine d'abord? Probablement. C'est ça. En tout cas, j'ai trop hâte. Puis c'est ça, je veux y aller étape par étape comme un newbie. Et tout a comme absorbé, tel un Scott Howell. En même temps, bande dessinée comme boum, boum, boum, boum, comme les requins font, t'sais. Ils font ça comme ça. Ouais. Toutes les bandes dessinées, aller voir le film, puis là, être comme rassasié, puis là, dire « Maudit, il n'y en a plus. » Parce qu'il y a juste 6 livres, le 6e sort, là. Et quand même. Et dans la trame sonore, il y a entre autres Black Lips, Metric, Broken Social Scene et une pièce de Beck. À vrai dire, il y a deux pièces de Beck sur la trame sonore, mais c'est juste un remix, une version acoustique, que je crois, de la pièce Ramona. Et c'est ça. On va aller écouter la pièce de Metric, Black Sheep. Vous allez voir, ça sonne très prometteur comme trame sonore. Caroline, que je t'excite. J'en viens pas. Ah. Mais j'essaie de me garder. Je veux pas voir les spoilers. Je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe plus tard. Je veux savoir tout ce que je sais, c'est la bande-annonce, puis c'est tout pour l'instant. C'est comme un match de quelque chose à la TV. Là. Dis-moi rien. Là. Non. Je te vois, là. On écoute Black Sheep. C'est fou. 89.1. Common goal was waiting for the world look at how you feel. They're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a life together. How you look and how you feel. They're not the same deal. Let's live a life together. Let's live a Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées avec Mathieu et Stéphanie. Et c'est le temps que je vous parle des spectacles qui s'en viennent cette semaine. Alors ce soir, spectacle assez grandiose au Centre Bell avec Paul McCartney. Je l'avais vu à Québec, donc c'est vraiment un spectacle à voir. Le 13, Tricot Machine à l'Ange Cornu à Montréal. Le 15, Crystal Castles au Metropolis. Et il y a aussi deux trucs assez intéressants qui se passent en fin de semaine. Il y a Wildwood. Oui. Oui, Kiwan nous en avait parlé la semaine passée. Il va sûrement nous en reparler tantôt d'ailleurs. Probablement. Secret. Ouais, c'est ça. Ben, je vais y laisser en parler tantôt. Alors, c'est ça. Bref, 13 au 15, Wildwood. Vous pouvez aller voir myspace.com/Wildwood. Et aussi, du 13 au 15, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières. On a dit qu'on allait en parler, parlons-en. Il y a le spectacle de la mi-temps qui va être samedi avec, entre autres, Antoine Graton. Il y a aussi les Feux Loto-Québec, samedi à 22h, spectacle pyro-musical très cool. Hein? Toujours les plus beaux feux de tout l'été. Oui? Oui. Non? Oui? Ben oui, oui. Ben comparé à Saint-Jean et à Fête du Canada, ouais. Je sais pas, je note jamais de quel événement provient le feu d'artifice que je regarde, on dirait. T'sais. C'est comme, c'est confus dans ma tête, là. Mais bon. Mais bon. Mais bon. De toute façon, j'aime pas ça y aller dehors parce que j'ai des araignées. Oh, Mathieu, chachotte. I know. Et je vous conseille, si vous voulez aller voir les feux, navette. Prenez pas votre auto, prenez une navette. Tu es en train de me traiter de navette? Non. Il y a des navettes d'autobus qui partent des trois centres d'achat à Trois-Rivières, les Galeries du Cap, le Carrefour Trois-Rivières-Ouest et des Rivières. Entre, je pense que c'est 18h30 et 23h. Donc, prenez la navette parce que ça va être impossible de se rendre au centre-ville en auto. Tout à fait. Alors, c'est ça. Et justement, on a parlé de Crystal Castles qui vont être au Metropolis le 15. On va aller écouter ça. Voici Celestica à Assemblage Rock. I'm not afraid to die. Celestica de Crystal Castles sur leur album qui se nomme étrangement aussi Crystal Castles. C'est bien, hein? C'est bien, c'est original. Ben, droit au but, hein? Il n'y a pas grand monde qui font ça, hein, des albums... homonymes. Ouais. Nyan, c'est nyan, rare. Vous êtes Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. Maintenant, ben, c'est le moment de parler de pièces qui jouent beaucoup à C'est Fou. C'est les palmarès C'est Fou. Et oui, à chaque semaine dans le blog des palmarès C'est Fou, on vous présente normalement les nouvelles entrées, mais comme je le disais la semaine passée, ben on a un gros palmarès, très très lourd, très pesant, très mais très rempli de bonnes choses, je dirais. Donc c'est les palmarès pour la semaine ou le mois du 26 juillet au 22 août 2010. Oui, que de contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est d'aller, ce qu'on va aller entendre des choses qu'on a bien aimées dans le palmarès, des choses qui nous marquent, des choses qu'on a envie d'entendre là, comme ça dans un bloc qui s'appelle les palmarès C'est Fou. On pourrait jouer ailleurs dans l'assemblage requis, mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va jouer là. Et voilà. On va entendre tout à l'heure nos amis... pardon, nos amis de Mister Valère. Oui, avec la pièce Mojo Ego. Mais on commence avec Carquois. Voici la position numéro 14. C'est l'acouphène. Sur C'est Fou. 89 FM. Ben... Qui fait dodo, il est assez heureux. toi contre les mots dans ton ego pour qu'ils cessent de te tourmenter. Libère ton héros qui fait dodo. Il est assez repoussé. Bat-toi contre les mots. Tegan and Sarah avec The Cure, position numéro 13 du palmarès anglophone. Ça descend de la 6e place. Avant ça, on a entendu Michel Air avec la position numéro 8. Ça descend de 6, Mojo Ego, featuring Gigi French. Bien sûr. Gigi French. Si et avant ça, on a entendu Carquois en 14e position francophone. Ça monte de 5 et c'est L'Acouphène. Voilà donc pour le bloc des palmarès. C'est fou. En passant le top 3 cette semaine et pour le reste du mois, hein, parce qu'on rappelle que les palmarès, c'est fou. Cette édition-là va du 26 juillet au 22 août. C'est les palmarès, c'est fou en vacances. Donc, position numéro 3 francophone, c'est Céline Duval avec Peur pour mon cœur, sirène. En deuxième, les Maléchis avec 2 semaines off. Et en première, ça monte de 8, Ariel avec Tout va très bien. Alors que du côté anglophone, le numéro 3, c'est l'ancien numéro 1, Danko Jones avec Full of Regret. En deuxième, ça monte de 2, Breakneck Speed de Tokyo Police Club. Et en première, ça monte de 2 aussi, c'est Iron Maiden avec El Dorado, un sample de Iron Maiden. Voilà donc pour ce bloc des palmarès fou à l'intérieur d'Assemblage Rocky. On prend une minuscule pause et juste après, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et aujourd'hui, elle nous parle de comment choisir son kayak et sa pagaie. Stéphanie. Ouh! Ouh! Restez là! C'est fou! C'est fou! Vous écoutez Assemblage Rocky. Toujours avec Stéphanie Gagné et Mathieu Plante. Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées. Oui. Te rappelles-tu, Stéphanie, là, je vais te faire travailler ta mémoire un petit peu, tu sais, là? Bonne chance. C'est ça, bonne chance. Tu te rappelles qui était à ta place dans ton siège, des fois, une fois de temps en temps? Là? Kiwan. Ben, moi, ça me rappelle qu'on avait fait une chronique plein air avec Émilie Gauthier. On avait reçu en studio Kiwan puis moi. C'était le 20 avril dernier. Puis là, elle nous parlait de kayak. Pas de Kiwan, de kayak. Et de pagaie. C'était. Ah, attends, je vais m'en rappeler. Je suis sûr que peut-être que tu vas être capable d'entendre dans mes souvenirs. Attends. Ah, t'es fier de Kiwan, hein? C'est une belle introduction. Il fait beau travail, je trouve. Ouais. J'ai fait le montage quand même assez rapide. Hein? Pas mal, t'as du talent. C'était efficace. Pendant la pause. Ouais. Ouais. Il a pris sa souris. Fait des petits trucs. Et ça. Tu feras un bon recherchiste. Ah, merci. ça fait vraiment comme genre t'es pas bon animateur, tu devrais être recherchiste. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, bah, Émilie, là. Vous êtes pessimiste. On t'accueille tellement mal aujourd'hui, en plus. T'es rentré tantôt pis t'es comme va-t'en, tu sais. Je sais. C'est pas fin, ça. Si vous voulez pas, je peux m'en aller, là. Ben c'est ma dernière chronique, mais je peux m'en aller si vous voulez. Non, c'est justement, c'est ta dernière. On va en profiter de ta dernière chronique dans le dernier mardi d'Assemblage Rocky. C'est ça. Après ça, on enlève les mardis, fait que tu vas être soulagé au moins. Ah, OK. Ils n'ont plus de mardi. Plus de mardi dans la semaine, ça va être lundi, mercredi. OK. Pour tout le monde, ouais. Ben hier, on a enlevé lundi. Il va rester juste vendredi au samedi ou dimanche. Il reste juste la fin de semaine. Ouais. C'est merveilleux. Tout le monde est gagnant. Ouais. Trêve de vraiment absurdité complètement pas intéressante pour parler de plein air et de kayak et de pagaie. Oui, ben kayak, pagaie, oui, ça commence à être la saison de magasiner ça. Ça commence à sortir dans les magasins. Donc, je pense que c'est pas nécessairement le temps de les acheter, mais c'est le temps de commencer à réfléchir sur... cet achat-là, parce que c'est quand même un achat assez dispendieux. Ouais. Donc, faut être certain de qu'est-ce qu'on veut, quel genre pas de récréation, mais de randonnée. Qu'est-ce qu'on veut faire avec, dans le fond? C'est ça. Voilà. Ma citation de l'année. C'est « Qu'est-ce qu'il y a que tu veux faire avec ça? » Comme dirait un italien, tu sais. Oui, exactement. « Qu'est-ce qu'il y a que tu veux faire avec ça? Hein? » hein? Tout à fait. C'est ça. Oui. Au début, les kayaks, c'était fait par des Inuits. Ça servait à la chasse et au déplacement de tous les jours. Aujourd'hui, on s'en sert plus pour les randonnées à des fins récréatives. Pour le fun. Pour le fun, oui, exactement. Premièrement, pour bien choisir son kayak, faut se demander quel genre d'utilisation on veut en faire. Est-ce qu'on veut se promener proche du quai dans un petit lac tranquille, descendre quelques heures ou vraiment partir plusieurs jours? Là, ça va dépendre, ça va changer beaucoup. Faire le tour du Québec, là, partir de Trois-Rivières puis aller jusqu'à Coudjouac. Exactement. Et arrêter à Cap-Tourmente. Bref. Pour faire quoi à Cap-Tourmente? Ben non, mais je sais pas si c'est une histoire vraie. Hein? Ouais. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire incroyable? Je pense qu'il nous a perdu. Mais le gars qui voulait se rendre jusqu'à je sais pas où en kayak. Il s'est rendu jusqu'à Cap-Tourmente. Ça a été fini. Ah oui, c'est la fois que tu me disais qu'il avait été commandité par plein de compagnies puis qu'il a comme lâché après 3 jours. Genre. Ouais, c'est 6 jours. Pour vrai? T'es supposé faire combien de temps? Ouais, t'as entendu parler aussi. Ouais, c'est ça, ça a duré 3 mois son aventure. Mais là, moi, j'espère, je souhaite sérieusement qu'il va pouvoir continuer. Mais jamais il va se faire recommanditer. Il se serait blessé apparemment, puis là, il peut plus continuer. Donc, il est à Cap-Tourmente, c'est à Québec, là, à peu près. Donc, il est vraiment pas loin d'ici. Puis, c'est ça, juste vraiment de continuer. On salue s'il t'écoute, effectivement. Mais excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, C'est moi qui fais ça d'habitude. C'est beau, il n'y a pas de problème. Donc, il y a 4 grandes gammes de kayaks, si on veut. Il y a les kayaks de mer qui mesurent de 15 à 18 pieds, qui sont plus pour des eaux agitées, la haute mer, l'eau salée, des longues randonnées. Parce qu'ils sont faites beaucoup plus minces, donc sont plus rapides. Il y en a qui sont utilisés plus souvent dans des eaux plus agitées, sont munis d'un gouvernail ou d'une dérive qui permettent de se contrôler un peu mieux, d'améliorer ses manœuvres. Ça se contrôle comment, le gouvernail, sur un kayak? C'est, dans le fond, c'est une petite corde, c'est une petite corde qui arrive dans l'îloir, où est-ce qu'on s'assoit. Dans le fond, il y a comme 2 petites poignées qui permettent de le diriger plus à gauche ou plus à droite. Je suis en train de faire les mouvements en même temps, il n'y a personne qui voit à part vous deux, mais... ça permet d'expliquer. Ceux qui voient aiment beaucoup ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Améliorer les manœuvres. Il y a des caissons étanches qui permettent de transporter l'équipement à l'abri. Donc, si on chavire, ben l'eau va nous mouiller, nous, mais les caissons sont vraiment bien fermés, bien isolés. Donc, notre stock va rester au sec. Après ça, il y a les kayaks de randonnée qui sont... c'est vraiment la gamme la plus populaire, à mon avis. C'est de 12 à 15 pieds. C'est pour des grandes étendues d'eau douce comme, mettons on veut faire le lac Saint-Jean, là, ben c'est pas si pire. Ou si on veut en faire un petit peu sur le fleuve, dans des portions un peu plus calmes, partir pour 1 ou 2 nuits, c'est pas mal la grosseur parfaite. Sont un petit peu plus courts, un peu plus larges que les kayaks de mer, donc sont un peu plus stables, mais ils vont un petit peu moins rapidement justement parce qu'ils sont moins profilés. Avant ça, on a les kayaks récréatifs, que c'est plus le fun d'utiliser dans des petits lacs, sur des rivières tranquilles, pour une petite sortie, si on part 1 ou 2 heures, on s'en va... Ça a go pour se faire du fun. Ben, c'est la grandeur, puis parce qu'ils sont plus courts, c'est environ 13 pieds, sont plus larges, plus maniables. C'est comme on dit, la longueur, pas importante, c'est la largeur. Exactement, oui, c'est ça. C'est parfait pour les débutants. Sinon, il y a vraiment la gamme très, très de base. C'est des kayaks ouverts ou sit-on-top qu'on appelle. C'est des kayaks vraiment... le nom, c'est vraiment sit-on-top? Ouais. Assis dessus. Oui. C'est vraiment comme le fond d'un kayak. Il n'y a rien qui recouvre la personne. Donc, pour quelqu'un qui a peur de rester coincé aussi, c'est vraiment idéal. Mais ouais. C'est vraiment juste récréatif. Là. Tu pars pas, tu t'amuses proche du quai. C'est le genre de kayak que tu prends pour prendre du soleil. C'est hyper instable, en fait. Oui, c'est ça. Tu restes, tu bouges pas. C'est quasiment une planche en plastique. Un avec... skate de mer. Presque. Avec des coches à côté de tes pieds comme il faut. C'est très, très de base. C'est vraiment quelqu'un qui a un chalet, qui veut pas investir dans un kayak, mais qui veut avoir de quoi pour se promener sur l'eau. Moi, je suggère à la place, là, tant qu'à ça, le crocodile gonflable. Il est plus drôle. Tout à ça dessus. Là, puis, ouais. Le fouetter. Ouais. Comme avec un vrai crocodile. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que dans le fond, une fois qu'on a choisi notre modèle, ceux qui pratiquent toujours le kayak à deux pourraient aussi considérer un kayak double au lieu d'avoir 2 kayaks complètement différents. Donc, ça force un peu moins. Puis, bon, on peut se rendre un peu plus loin avec la même énergie au lieu d'avoir 2 kayaks complètement différents. Il faut avoir quand même une bonne relation avec son co-kayakeur quand on a un kayak double parce que ça peut forger la patience, mettons. C'est ça, c'est un peu plus de pratique, mais en même temps, en ayant 2 kayaks complètement différents, il faut que les 2 forcent pour pouvoir avancer, tandis qu'en ayant un kayak tandem, mais... Tout assurer en arrière, puis laisser l'autre en avant, pagayer à ta place. Aussi, il y en a un qui dirige, puis l'autre qui avance. C'est comme un couple. Oui, on peut peut-être dire ça aussi. L'essai, ça a l'air vraiment nono, mais pour savoir si un kayak convient... C'est comme un peu, on parlait des sacs de couchage la semaine passée, il faut l'essayer parce que des personnes plus grandes, plus corpulentes aussi, il y en a que ça peut juste moins convenir. Il y a plusieurs types de sièges, donc il faut savoir aussi dans quel type qu'on est le plus confortable. Mmh. Tu arrives dans le magasin et tu t'assois dedans. Ben, tu peux demander de les faire décrocher. Souvent, ils sont accrochés au mur ou dans un genre de rack. Tu peux demander de les faire mettre à terre et de t'asseoir dedans. OK. Est-ce que tu peux demander à la personne qui te le vend, vu que des fois, pour le kayak à deux? J'imagine. Ça changerait pas grand-chose, finalement? Non, je pense pas. C'est juste savoir, toi, si t'es confortable dans, dans ton siège. Savoir si l'ouverture de l'îloire... L'îloire, c'est vraiment le trou par lequel on rentre dans le kayak, si on veut. S'il est ajusté, pas trop grand, pas trop petit. Savoir si on est bien capable de se balancer dedans. L'intérieur, est-ce que les points d'appui, si les fesses, les hanches, les genoux, les pieds arrivent aux bonnes places. Dans le fond, juste savoir si nous convient. Côté matériaux, de nos jours, il y a vraiment une grande majorité des kayaks qui sont faits en polyéthylène. C'est, dans le fond, c'est une matière plastique qui est assez abordable, qui est durable, quasi indestructrice. Donc, mais c'est un petit peu plus lourd, par exemple. C'est vraiment très de base, mais ça nécessite peu d'entretien. Puis ça. Tandis que si on va chercher la fibre de verre, c'est un peu plus fragile, mais plus rigide, plus léger, plus performant. Puis souvent, c'est un peu plus affilé, ça le laisse mieux. Dans le fond, les kayaks en fibre de verre, ça va plus être les kayaks de mer, donc plus longs. Donc, on va pas chercher du plastique, ce serait un peu trop lourd. Parlant aussi de forme, plus un kayak est long, plus il est rapide. Puis maintenir le cap, donc garder en ligne droite, c'est plus facile. Mais si on va chercher un kayak plus large, il va être beaucoup plus stable, étant donné qu'il y a une plus grande capacité de chargement. Donc, mais il est plus lourd, puis il est plus lent. Quelqu'un qui a un kayak qui va être fait plus profilé, il va avoir donné deux coups de pagaie, puis il va être rendu beaucoup plus loin, tandis que quelqu'un qui a un kayak plus large, oui, il va être stable, mais il va falloir qu'il donne 4-5 coups de pagaie pour rattraper l'autre. Ça fait vraiment une grosse différence. Et la forme de la coque aussi, qui renseigne sur le degré de performance du kayak. Plus une coque est en V, moins qu'elle va être stable. Donc, plus qu'elle est plate, un peu en dessous, comme une coque un peu en amande, si on veut, ça va être plus stable. Tandis que celle qui va être plus comme une coque de bateau, qui va être plus comme un V en dessous, ça va être moins stable. Mais plus rapide, c'est ça? C'est ça, plus rapide. Parce que ça fend un peu plus l'eau, mais ça va être moins stable parce que justement, ça, il n'y a comme pas de surface plane sur laquelle le kayak accote... que ce soit équilibré. C'est ce qu'ils disent, Kiwan, c'est pas la forme de la coque qui importe, c'est comment tu t'en sers. Hein? Faut que qu'elle soit équilibrée, ouais. C'est ça. Et sinon, ça fend moins. C'est ça. Mais si j'ai bien retenu. Oui, oui. Ouais. Je pense que je vais continuer. Avant que les auditeurs changent de poste, mon Dieu, émission est trop obscène. Oui. Il y a le volume du kayak qui va influencer son degré de flottabilité puis sa façon de réagir dans l'eau. Un kayak qui a un volume plus faible va être plus agréable à contrôler dans des petites vagues, mais il va plus avoir tendance à être submergé quand l'eau est agitée. Par contre, un kayak qui a un volume plus fort, il va avoir certains avantages aux kayakistes qui évoluent dans des eaux plus agitées. Dans le choix du volume du kayak, il faut aussi tenir compte du poids du kayakiste pour trouver un juste équilibre. Si on va chercher un kayak qui a un volume trop faible, ça va être plus difficile à contrôler pour un kayakiste qui est plus lourd. Tandis qu'un kayak qui est vraiment plus gros, plus lourd, quelqu'un qui est plus faible, ben il va travailler un petit peu plus. Faut aller en conséquence de notre forme. Faut dire ça comme ça. Notre forme, notre taille, notre... Ouais. Hein? C'est ça. L'utilisation... quand on fixe un kayak sur le toit de notre voiture, parce que souvent, on a un rack sur le toit ou quelque chose, parce que c'est très rare que... Tu le traînes dans tes mains. Ben ça existe. C'est un peu... C'est comme deux petits trous avec une sangle que t'attaches le derrière de ton kayak. Puis toi, tu prends la ganse en avant de ton kayak, tu le tires. Fait que dans le fond, c'est moins compliqué parce que le derrière de ton kayak, il roule tout seul, puis tu fais juste tirer à l'avant pour pas que ça freine partout. Ah, c'est comme une brouette. Ouais, un peu une brouette à kayak, ça. Mais tu pars pas d'ici pour aller au parc de la Mauricie, mettons, comme ça. Ben, c'est ça que je me demandais. Ouais. Pas recommandé. Fait que si on veut aller au parc de la Mauricie avec son kayak, les sangles qui attachent le kayak sur le toit, faut qu'ils soient quand même assez serrés, mais pas trop parce qu'une coque peut... La coque peut se déformer quand même rapidement si son exposition au soleil est trop prolongée. Si un kayak est trop long aussi, dépasse la longueur du véhicule, ça a l'air un petit peu évident, mais il faut vraiment penser, comme quand on achète du bois, de fixer un petit drapeau au bout du kayak pour éviter non plus qu'il se fasse accrocher. Puis enfin, attention aux égratignures. S'ils sont trop profondes, ça peut quand même ralentir le kayak. Donc, si c'est fabriqué en fibre de verre, il est mieux de pas accoster le kayak directement sur les plages. Donc, on débarque à l'avance, puis on le sort de l'eau pendant qu'on est encore dans l'eau. Pour l'auto, est-ce que ça existe comme pour les canots, là, des espèces de coussins que tu mets entre l'auto et le oui, kayak? Ben ça, y a des racks qui existent comme des racks en J ou des choses comme ça qui sont un petit peu plus dispendieux. Comme qu'il existe des genres de mousse, si on veut, c'est comme un peu une demi-lune qu'on va accoter directement okay. sur l'auto. C'est environ une vingtaine de dollars pour les deux mousses. Puis si quelqu'un n'a pas le goût de trop investir, là, ça peut faire amplement la job. C'est sûr que tu fais pas 3 heures de route avec ça. Mais mettons, ici, par la Mauricie, c'est 40 minutes. Ouais. C'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de super complexe non plus. Donc, ça peut faire amplement la job. Puis, c'est quoi le meilleur matériau comme pour le kayak si tu veux que ton auto soit plus ergonomique, plus aérodynamique quand tu es sur la route, sur l'autoroute, mettons? Si tu as de la fibre de verre, tu vas aller plus vite, là, j'imagine, non? Ben, ça dépend du véhicule que tu as. Ouais. Si tu as un gros kayak bien pesant, mais que tu as une petite Civic 2 portes, c'est sûr que ça sera pas pareil que si tu as le gros pick-up puis tu as le gros kayak, tu sais. T'as bien répondu à ma question. Ouais. Donc, t'as vu que t'as un Hummer, Mathieu, ben, tu peux y aller avec n'importe quel. C'est ça. Je compense pourquoi déjà avec mon Hummer? Les gens qui ont un Hummer compensent toujours pour quelque chose. C'est toi qui le sais, ça. Non, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Finalement, l'entretien, idéalement, entreposer le kayak dans un endroit fermé comme un garage, un sous-sol. Sinon, on peut laisser le kayak dehors pour l'hiver, mais on l'essaye de le mettre à l'envers, puis un endroit où est-ce que la neige peut pas s'accumuler comme en dessous d'une galerie ou quelque chose comme ça. C'était pour les kayaks. Bon, et évidemment, le kayak, on l'achète chez Kayak Marquis Grenier. Hein? Kayak. Non. Non. Tu devrais leur vendre ton slogan. Devrais. Mais là, ils ont changé de nom, ça fait que ça marche plus. Ah ouais? Ouais. C'est juste kayak. Ah, ah, ah, ah. Mais avec le vrai mot. Là. On voudrait pas leur faire de la pub gratuite ici. Là. Hein? On va faire une petite pause musicale. Tout de suite, on va aller écouter Les Chemins de Verre de Carquois. Et au retour, on parle de... Pagay. Tu as choisi Carquois juste parce que ça sonne comme kayak? Non, pour vrai, j'avais vraiment pas pensé à ça. Tu vois, il y a juste toi pour penser, pour trouver que le kayak ressemble à Carquois. Ouais. Les mêmes lettres. Ouais, on va écouter la pièce, je pense. On écoute tout de suite. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis dans la chronique Veux-tu sortir avec moi? Émilie Gauthier, on revient dans quelques minutes. Carquois et Les Chemins de Verre. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis, qui est une pièce qui finit vraiment très sec. Ouais. On est toujours dans la chronique d'Émilie Gagne, d'Émilie Gauthier. Caroline, Kiwan, tu te mélangeais ces noms des chroniques, à ça, tu te trompes sur le nom des chroniqueurs, ça, bien? Incroyable. Émilie Gauthier, donc on parle de kayak et de pagaie. Et avant de continuer avec les pagaies, tu avais un petit conseil pour les gens à la maison. Oui, dans le fond, quand on achète notre kayak, l'essentiel d'avoir, c'est un gilet de sauvetage. Oui. Une pagaie, évidemment, on n'avance pas avec ses mains. Puis un petit kit de sécurité, dans le fond, qu'on n'a pas le choix d'avoir, parce que si vous vous faites arrêter par la sécurité nautique, la S patente, là, je sais pas, il y a une contravention qui s'en suit. Dans le fond, un petit kit, c'est environ 30-40$. Vous pouvez le reproduire à la maison si vous voulez, mais souvent, le petit kit qui se vend, c'est comme une demi-cruche, si vous voulez, d'assouplissant, là, mais ça peut être un plat de margarine. Enfin, c'est un plat pour pouvoir vider l'eau si vous chavirez ou quoi que ce soit. Il y a un sifflet, une flashlight et une corde, dans le fond, pour aider le monde qui sont en détresse, mais aussi si vous êtes en détresse, vous avez ce petit kit-là pour vous sauver la vie. Le sifflet, si personne vous voit, vous entend, c'est toujours pratique. Donc, c'est à avoir dans son kayak, sinon ça peut être sanctionné. Puis si les gens n'achètent pas leur kayak tout de suite, ils attendent plus tard dans l'année, souvent il y a des rabais assez extraordinaires dans les magasins. Il y a toujours des promotions à longueur d'année sur tout ce qu'il y a. Autant que ce soit kayak, raquette, oui, c'est sûr, si vous voulez le kayak que vous voulez, puis qu'il risque de pas en avoir d'autres, c'est une chance à prendre. Mais parce qu'on n'a pas parlé de prix tantôt, là, quand on parlait des kayaks, mais ça vaut quand même cher, un kayak. Un kayak, ça... Mettons, les sit-on top et les petits kayaks récréatifs de 13 pieds, d'habitude, c'est autour de 800-900. Ah. C'est pas mal les prix de base. Sinon, si on veut chercher... un bon là, tu sais, qui serait polyvalent un peu. Un bon polyvalent, je vous dirais, mettons, 14 pieds là, qu'on peut faire randonnée, mais qu'on peut s'amuser avec, je dirais que c'est environ 1200. Wow. Mais si on va chercher le gros kayak de mer de 18 pieds, c'est environ 3000$. Mais ça, en même temps, c'est le genre d'article ça, qui s'y trouve en très grand nombre sur les sites d'annonces classées. Oui, il y a beaucoup de gens qui achètent ça, qui disent « Ah oui, j'aime ça, moi je vais en faire toute l'année. » Puis finalement, ils en font deux fois, puis ils se retrouvent sur les packs. C'est pas long, là. Il y en a vraiment beaucoup à bon prix. Mais quand même, même usagé, ça reste quand même un achat assez important. Là. Si vous voulez vraiment pas dépenser là, à la télé, allez jouer au jeu Pagaie voleur. Pagaie voleur. Pagaie voleur. T'as pas dessus? Pagaie voleur. Donc, c'est le lien pour qui amener nous amène... au pagaie. Exact. Mais là, avant d'acheter un kayak, par contre, là, ce que je conseille, pas nécessairement d'aller suivre des cours ou quoi que ce soit, mais aller en louer une ou deux fois. Souvent, c'est environ 15$ de l'heure ou 15$ pour une journée même. Fait que moi, je vous conseillerais d'en essayer une ou deux fois avant d'investir. Parce que c'est avant comme... de payer. Avant de pagayer. Payer. Oui. Donc, description d'une pagaie. Pagaie, excuse-moi. Parce qu'une rame, c'est pour le canot, une pagaie, c'est pour le kayak. C'est pas la même chose, on peut pas faire les deux avec la même chose. OK, répète-le. Pagaie. Pagaie. Pagaie, c'est une barre avec deux palmes chaque côté. OK. Et puis, une rame, c'est une barre avec une palme. OK. Donc, c'est deux choses, c'est complètement différent. C'est noté. Pagaie, ça ressemble à un Q-tip. OK. Puis, une rame, ça ressemble à une cuillère. C'est bon. Mettons. Fait qu'une pagaie, c'est moyen de propulsion et parfois même quasi-gouvernail de direction qui dicte la performance du kayakiste sur l'eau. C'est donc une raison de plus de s'intéresser à la taille, sa forme et sa construction. C'est beau, hein? C'est superbe. Je me suis vraiment forcée. Pour arrêter son choix sur une bonne pagaie, c'est on passe dans le fond en revue les différents matériaux qui entrent dans la composition parce qu'il y en a qui sont faites beaucoup plus légères, d'autres beaucoup plus lourdes, un peu comme le kayak. Il y a le bois qui est encore utilisé dans la fabrication de pagaies, même si c'est rendu plus rare qu'autrefois. C'est quand même flexible. Les kayaks qui ont des problèmes d'articulation ont tendance à aller chercher ça. Les personnes qui ont des problèmes de... Non, les... Oui, okay. Des kayakistes qui ont des problèmes d'articulation ou de tendinette, des choses comme ça, ils vont aller chercher des pagaies en bois qui... Parce que. C'est comme ça, fait que posez pas de questions. Ça a un effet thérapeutique, c'est comme les colliers en noisettier. Mais je pense que c'est juste parce que c'est moins raide que du plastique, de l'aluminium ou des choses comme ça. Les pagaies en bois sont construites de plusieurs bandes de bois collées, si on veut, qui va permettre plus de résistance et de légèreté. Contrairement à une pagaie qui va être taillée en une pièce qui s'achète, mais beaucoup plus lourde. c'est quand même plus rigide, puis ça améliore le transfert de puissance. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que côté articulation. En plus du bois, il y a plusieurs matériaux synthétiques qui sont utilisés dans la fabrication de pagaies, comme le plastique. Les pagaies de plastique sont quand même assez durables. Ils ont besoin d'un petit peu d'entretien, mais sont un petit peu plus lourdes que le bois et le carbone. Celles en carbone, par contre, sont extrêmement légères, sont très rigides. C'est en fait pour les kayakistes qui veulent tirer le maximum de puissance dans leur coup de pagaie. Par contre, des défauts, c'est très rigide, ça absorbe moins bien les chocs. Ça, dans le fond, ça va se répercuter directement sur les muscles, les articulations du kayakiste, puis son prix est quand même plus élevé étant donné que c'est beaucoup plus léger. Un autre matériel qui est quand même populaire dans la pagaie, c'est la fibre de verre. C'est un bon compromis entre efficacité, rigidité, légèreté, puis le coût d'achat. Mais quand même, beaucoup de pagaies en fibre de verre vont intégrer le carbone, ce qui va quand même les rendre assez rigides, donc un peu plus raides à manipuler. Puis, enfin, il y a l'aluminium qui est quand même utilisé souvent pour la tige des pagaies. La lame va être faite plus de plastique. Donc, c'est quand même pas coûteux. Puis, c'est un type de pagaie qui s'utilise pour initiation ou des fois en cas d'urgence qu'on peut garder dans le kayak. Si vous avez un plus grand kayak comme un kayak de mer, on peut se permettre d'avoir une pagaie de secours si on veut. Parce que souvent, ils sont démontables aussi. Donc, on peut l'avoir en deux parties. Les formes des pagaies peuvent influencer beaucoup le degré de la performance. Par exemple, une pagaie qui a des pales plus longues et plus effilées va permettre de plus contrôler facilement son embarcation, va avoir moins de résistance au vent, tandis qu'une pagaie à pales plus courtes et plus larges vont être plus performantes, mais vont demander un peu plus d'habileté. Donc, pour quelqu'un qui commence, on est peut-être mieux avec une pagaie un peu plus longue et affilée. La plupart des pales de kayak sont asymétriques de nos jours. D'un bord puis de l'autre, dans le fond, ne seront pas pareils parce que, dans le fond, de la manière qu'on bouge, ça ne veut pas dire qu'on finit tout le temps par travailler de la même façon. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment tout le temps prendre la pagaie du bon côté. Ben, en fait, on peut l'arranger, mais il n'y a pas vraiment de côté, je vous dirais. C'est juste qu'elles sont faites un peu en angle. Okay. Donc, le bout le plus long, c'est censé ce qui rentre moins dans l'eau. Là. Dans le fond, c'est comme une pale de canard, si vous voulez. Mais quand on la prend dans nos mains, c'est comme ça va de soi. Là. Vous irez en magasin, vous ferez tout expliquer. J'ai tellement de la misère. Non, mais je gesticule tellement, puis je m'exprime tellement avec des images que à radio, bon, je suis faite pour la télé. Au revoir. Au revoir. Non, mais je dirais que t'as un pagaie de bons conseils, un pagaie. Paquet. Je vais te remettre dedans. Ah, ça. C'est bien. Ouais. Une pale plus plate, qui est faite un peu plus pour des débutants, peut présenter une courbe plus ou moins prononcée, ce qui va demander un peu moins d'effort, qui offre une puissance et une précision plus forte, puis ça a besoin d'un peu moins d'une grande maîtrise, d'une bonne technique pour pouvoir être efficace. La surface de la pale a aussi un rôle important à jouer dans la performance de la pagaie. Plus elle est large, meilleure va être la propulsion. Si les pales sont plus courtes, ils vont demander moins d'efforts, mais ils vont nécessiter plus de coups de pagaie pour avancer. Mais donc, de quoi tu parles? Mathieu écoute vraiment pas ce que tu dis. J'attends juste pour placer un jeu de mots. Il fait juste penser à son jeu. Je parle, il écoute pas, puis il fait le jeu de mots avec pagaie, tu parles, puis j'écoute pas. Ah là là. Non, je t'écoute. Ah ouais, il me semble. C'est le jeu. Il faut parler à Kiwan. Bon. Il y a aussi la longueur de la pagaie qui va dépendre du type d'embarcation utilisée, de la largeur, du calibre du pagailleur, son gabarit. Oh, attends, là, tu pagailles. Non, je dépale. Je dépale. Tu dépales? Wow! Des palmes, c'est ça, hein? Des palmes. En gros, plus qu'un kayak est étroit, plus la pagaie rétrécit, mais plus qu'une personne est grande, plus que la pagaie allonge. C'est compliqué, hein? Oui. Finalement, il y a le manche, qui est dans le fond la pôle entre les deux palmes. Il doit être robuste, léger, confortable, facile à manier, mais aussi assez flexible pour que les bras du pagailleur n'absorbent pas tous les coups transmis par le contact pagaie-eau. Plus un manche est long, plus il permet de maximiser la puissance des pales. Par contre, il faut plus d'efforts pour replacer la pagaie à l'eau. Par contre, il y a des manches asymétriques, donc c'est un peu une pale droite. Puis au niveau où est-ce que les mains sont, il y a comme une courbure, donc ça permet une meilleure préhension du manche. C'est important de savoir comment bien manier un manche. Je vais prendre une pause, c'est sûr que Mathieu va la dire. Ouais. C'est ça. Puis la plupart des manches sont droits. D'autres sont courbés au niveau des mains. Ça, c'est plus naturel. Puis c'est un petit peu plus coûteux, par exemple, parce que c'est considéré manche ergonomique. Donc, c'est moins forçant pour le corps, mais c'est un petit peu plus dispendieux. Et aussitôt qu'on peut mettre un mot scientifique sur un équipement, automatiquement, ça... On vient d'augmenter de 100 piastres. C'est clair. Utilisation de façon générale, surtout quand le manche est en aluminium, on recommande le port de gants pour une meilleure adhérence, pour éviter aussi de se faire des ampoules, parce que la friction, si on porte des gants, va se faire entre le gant et le manche, tandis que pas de gants, la friction se fait entre la main et le manche. Donc, oui, bien sûr. Ça nous tente peut-être pas. Puis, entretien, la plupart des pagaies, ils n'ont pas besoin d'entretien comme tel. Il y a juste les pagaies en bois qu'une fois de temps en temps, c'est préférable de les sabler, de les revernir ou juste de les simplement de les huiler pour conserver la qualité. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, on est prêt pour notre saison de kayak. Mathieu? Oui, bien huiler mon manche. Parce que la friction, ça fait mal. C'est ça. Aux mains, pas aux manches. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. 89. Oh oui, le plaisir recommence après la pause parce que c'est Assemblage Rocky qui recommence. Du plaisir presque non-stop ici à C'est Fou 89.fm. Troisième heure d'Assemblage Rocky avec Stéphanie Gagné et Mathieu Plante. Absolument. Bon tour à vous. Tantôt, avant la pause, c'était la chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi, avec Émilie Gauthier? Et là, on commence une grosse série la semaine prochaine, une série sur le camping. Donc, soyez là jeudi prochain pour les conseils de camping, l'autre jeudi pour choisir son sac de couchage et l'autre jeudi d'après, le 2 septembre, pour choisir sa tente. Et ça va être comme ça que la session va se terminer avec Émilie. C'est des chroniques qui datent de la fin de la session dernière. Donc, c'est en rappel, après demande du public. C'est grâce à vous que ces chroniques sont rediffusées. Cool! Du tout. Et qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine heure, Mathieu? Ton plat favori. Absolument. Mais tout de suite, voici Winter Gloves. C'est fou. Makes it well easy now. I think. Winter Gloves et I Can't Tell You à Assemblage Rocky, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Et maintenant, ben, on ouvre un plat. Je vous dirais un bol, pas un bol, un plat. Un bol, c'est différent, ça n'a pas de couvert. Hein, un Tupperware. Un Tupperware, c'est ton plat favori. Je suis ton plat favori. Vous voyez que le bol est aussi important que le couvercle. Finalement, les deux parties sont égales. Ouais, absolument. Pas de discrimination envers les couverts. Justement, ce que j'allais dire. Ouais. Exactement. Et cette semaine, contrairement à l'habitude, j'ai toujours un album ou un groupe de musique ou une chanson en particulier qui m'accroche. C'est ta passion. T'aimes ça, la musique? Ouais. Mais là, c'est en lien avec la musique quand même. Mais c'est un site web. Alors, ça s'appelle the61.com. C'est un site pour les fans de la musique indie. Dans le fond, le concept, c'est on vous donne un nombre de points quand on se log sur le site et on sépare ces points-là sur 5 chansons. On vote pour 5 chansons avec nos points. OK. Et plus une chanson reçoit de points, dans le fond, plus elle est populaire, plus elle est mise de l'avant sur le site et plus on reçoit des points en retour. OK, parce que c'est ça, les gens pourraient voter sur n'importe quoi, ça serait pas pareil. Là, ils ont un nombre limité, donc ils doivent être vraiment, vraiment... Ouais. C'est les affaires que t'aimes le plus. Oui, mais il faut que tu fasses attention parce que si c'est les 5 chansons que t'aimes le plus, mm-hmm. mais que personne d'autre aime ça, ben tu vas pas avoir des points. Ah, OK. Fait que ça encourage à voter pour les affaires que tout le monde aime déjà. C'est un peu mainstream, presque. Hein? Mais moi, c'est pas ce concept-là que j'aime vraiment parce que je me dis, je veux pas voter pour ce que je pense va être populaire, je veux voter pour ce que moi j'aime. C'est comme le palmarès de certaines stations de radio. À un moment donné, si tout le monde vote pour des affaires qui jouent de toute façon. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais non. Mais l'aspect positif de ce site-là, c'est que avant de voter, ben tu vois les titres puis tu vois qu'est-ce qui vient d'être ajouté sur le site. Fait que tu peux découvrir plein de nouveaux bands, des nouvelles chansons. C'est vraiment cool. Et présentement, parmi les plus populaires, c'est quand même pas du gros mainstream. Là. C'est vraiment quand même indépendant. Les plus populaires, Mumford & Sons, VXX, Metric, Angus & Julia Stone. Wow. Donc, il n'y a pas de Jay-Z. Là. Non. Pas de Lady Gaga. Non, pas de Lady Gaga. Non plus. Et voilà. Alors, j'ai décidé qu'on allait faire jouer un peu de VXX pour être en lien avec le site. Je vous répète, the61.com. On va aller écouter la pièce Crystallized. De VXX. Assemblage requis. Thank you. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Vous êtes dans la chronique Ton plan favori et on vient d'entendre The XX avec la pièce Crystallize. Et je parlais du site the61.com. Faut l'écrire en lettres. En lettres. Tu me l'as pas dit tantôt, puis j'ai tapé en chiffre. THESIXTYONE.com. Est-ce que t'as dit que c'était très joli comme site? C'est vraiment beau. Une fois que t'es rentré dedans, hein? Wow. Ouais, c'est vraiment spécial. Hein? Les grandes photos plein écran, c'est super le fun. Ouais, puis il affiche des petits poup, qui donnent des informations sur le groupe qui est en train de jouer présentement. Et toi, Mathieu? Oui, mon dessert, moi. Parlant de Scott Pilgrim, on parlait tantôt de Scott Pilgrim, la trame sonore qui sort. Et puis, dans le film, d'où la trame sonore sort, là, hein? Ben, il apparaît des affaires à l'écran, tu sais, comme dans une bande dessinée. Des fois, quand le gars, il se tape la tête contre quelque chose, ça marque tonk, tu sais, sur l'écran. Ouais, puis la vie. Puis, ah, c'est super le fun. Ouais, t'iras bon. Bref, tout ça pour dire que mon dessert à moi, c'est les vidéos qui sont qui ont été diffusées dans le cadre du Comic-Con récemment. Il y en avait 5 qui sont sortis avant Comic-Con et 2 pendant la semaine qui menait vers le Comic-Con. Juste avant Comic-Con. Donc, maintenant, ils sont disponibles en balado-diffusion, en podcast, sur iTunes. Vous pouvez taper Scott Pilgrim et puis il va sortir. Il y en a 7 en tout. C'est des remix. Donc, d'extraits de films mélangés avec de la musique du film. C'est super cool. Ça prend des phrases qui se répète beaucoup dans le film, tu sais, des yeah yeah yeah, des rap, rap. En tout cas, bref, on écoute un juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Voici celui qui s'appelle Yeah. Ouais, pourquoi pas. Ça commence comme un jeu vidéo. Who the hell are you anyway? You're the new kid on the block, right? You're ridiculous. You're pretentious. I'm sure about that. You're true. You're a bitch. You're a monster. You suck. You know what? What? You know this girl? Know me. You know your hair? You know when I say someone, I mean me, right? Me, right? Me, right? Yeah! Good, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. What else? What else? What yeah. else? Sorry, what are we doing? Oh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Listen. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ah! Non. Calme. La date officielle, c'est le 13, donc c'est demain qui sort. Demain. J'étais pas sûr parce que moi, il va falloir que j'attende pour aller le voir en anglais. Je suis pas capable en français, sérieux. Non, ce sera pas pareil. Surtout pas un film comme celui-là. Voyons donc, en français, toi. Non. Inacceptable. Tu sais. Ouais. Scott Pilgrim versus The World. Je vais en reparler quand je l'aurai vu. Peut-être bien après la sortie. Tu sais. Aller le voir au cinéma, en anglais préférablement. Oui. Mm-hmm. Acheter la trame sonore. Et les bandes dessinées, volume 1 à 6, disponibles sur Amazon.ca. Pour pas cher. Pas cher avant tout. Amazon devrait tellement nous donner de la pub. Ben comment, ils annoncent nos ondes maintenant parce qu'on en a parlé. Tu sais. Ouais, on a parlé du Grand Prix aussi, on a parlé plein de choses. Mais, ça je me dis. Fait qu'à un moment donné, activez-vous. Bon, c'était la chronique Ton plat favori pour cette semaine. Et puis, juste pour faire une petite transition vers le restant de l'émission, on écoute la pièce Hey du même principe parce que c'est cool. Puis à un moment donné, c'est le fun des affaires qui se répètent. T'sais. Redondant, on aime ça. That's Kim. Kim? Kim. And Kim, this is Stephen Stills. Hey, so what's her name? She was Nat when I knew her, but Envy Adams. Wallace! Again! Gideon Graves. Got it. Roxy. Lucas Lee. Katia and Augie twins. Matthew! What the hell? Sorry, what was her name? We'll be right back. like the zombies that crawl out over the top. How your girlfriend is convinced, but you are not. Until we catch up, the civil rights, you raise the metal finger to the garage rock. Like zombies are crawling out over the top. Now qu'à un moment donné, c'est assez. T'sais, quand tu beurres ta toast, à un moment donné, quand t'en mets plus par-dessus, c'est comme ça goûte autant, là. Ça goûte autant. Hein? Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre Broken Social Scene. Oui, avec la pièce Forced to Love. Et moi, j'aime bien le Map au Spray. J'aime bien le Nutella. J'aime bien le la gelée de framboise. J'aime bien le beurre de peanut avec des bananes coupées par-dessus. Ou du sucre. Non. Ou de la petite poudre. Tu sais, la petite poudre au chocolat. Là, vous allez vraiment dire que je dis n'importe quoi, mais beurre de peanut, moutarde, c'est vraiment bon. Ah! Oh, non! Je me fais toujours juger quand je fais ça au Normandin. quand je vais prendre mon petit déjeuner au Normandin puis que je prends beurre de peanut, moutarde, je me fais toujours juger. Fait que j'essaie toujours de faire en cachette pour pas que la serveuse me voie. Des toilettes. Non, comme ça, t'es déjà là quand tu vomis, c'est ça? Elle me laisse aérer, c'est super bon. Mon cousin faisait beurre de peanut mayonnaise, c'est encore pire. Ouais! Non, c'est pas mal pareil, c'est pas pire. Mais non, c'est moi, dégueulasse. Ça. Moi, le monde me trouve dégueulasse parce que je mets du Nutella avec une tranche de fromage. Cool. Là, wow, là. Mais non, c'est vraiment bon. Du fromage avec du chocolat, c'est super bon. Non. Ouais, mais aussi, là, dans la même veine, une crêpe avec du fromage dessus, tu le fais fondre, puis tu mets du sirop d'érable par-dessus. Ah, calé! Le monde sont en train de manger, là, à cette heure-là. Franchement. On dirait qu'on a faim à parler de ça comme ça. J'ai tellement faim. Ouais, non. Moi, ce que j'aime, c'est du beurre d'érable. Moi, je suis plus classique, tu vois? Plus classique. Beurre d'érable. Bon. Donc, la voix que vous entendez là, c'est celle de Kiwan. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, vous, ça va bien? Absolument. Papé, papé. On t'a entendu la semaine passée, t'étais en studio. Puis là, ben, t'avais dit que tu serais par téléphone, mais t'étais en studio encore. Ben oui, puis je voulais vous appeler. Puis non, ça n'a pas marché. On a parti une discussion sur les affaires qu'on met sur nos toasts, puis à un moment donné, c'est ça. Voilà. Mais je peux vous appeler si vous voulez. Voulez-vous que je vous appelle? Tantôt, tu nous appelleras, ouais. Je vais vous appeler. Appelle. T'as-tu un téléphone, là? Je t'appelle tout de suite. Appelle. Ben oui, c'est live comme ça, appelle-nous. Ouais. Il y a un téléphone? C'est-tu un téléphone de compagnie, ça? Ouais. Es-tu beau? C'est pas moi qui le paye, c'est correct. Montre-moi. C'est pas moi qui paye les intérêts urbains. Ouais, c'est ça. Parce que... Ah, c'est ça, parce que lui, tu sais, monsieur est tout le temps over the sea and onto the country side. Comme tout le temps dans un lot. Outre-mer. Outre-mer, qu'on appelle. Outre-mer. Je sais pas pourquoi que le monde dit ça. Outre-mer, c'est comme au-delà de. C'est long. Ah, Caroline, je pensais avoir la bourre encore plus de temps que ça. Le téléphone sonne, je ne comprends plus rien. Le téléphone sonne, attends, mais qui est là? Bonjour! Ça va-tu faire oui, bonsoir. Hé! Ah. Hey, il y a comme un genre de... Je m'entends parler par le... Ouais, ça fait de l'écho. Je sais pas si l'écho est en onde, mais wow. Parce que oui, moi. Tu penses que oui? Ouais. T'es carré, hein? Mets pas ton téléphone devant ton micro, par exemple. Juste... Ferme mon micro, puis. OK, ben, Colin, le gars, on le créerait professionnel. Hein? Content, là, Mathieu, je t'ai appelé. C'est insupportable, ouais. Bon. Merci de m'avoir appelé, Kiwan. Plaisir. Ah, Kiwan et moi, on faisait tellement de la bonne radio dans le temps. Tu vois ce que ça donnait? Là, c'était qualité zéro, hein? Ouais, qualité zéro. Avez-vous augmenté les standards depuis? Pas en tout. OK, non. C'est ça. On attend que tu reviennes à temps plein. Oh. Ouais. Ça, c'était du feedback. Ouais. Ouais. C'est un petit peu déplaisant. À peine. Comme le reste de l'émission, tu sais. Non. Kiwan, qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que t'as à nous dire de bon? T'as plein d'affaires à nous dire, j'en suis sûr. Ben oui, moi, je voulais vous parler du nouvel album de Olinéa. Je voulais vous en parler tantôt, mais... Okay. Non, mais tantôt. Je me sens pas prêt. OK. C'était une pratique. OK. Cool. C'est tout. C'est le fun. C'était un échec comme pratique, en tout cas, parce que t'en as vraiment pas parlé. Non, c'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle, la semaine passée, on a fait à peu près le même genre de situation, je pense. C'était à peu près... Il y avait des bouts comme ça, t'sais. Ouais, mais je pense que pour les auditeurs de l'émission, de toute façon, ils sont habitués au malaise, aux inconforts et ils sont habitués à changer de poste. C'est parce qu'on change pas une formule gagnante, là! Hein? Man, on va entendre une pièce, pourquoi pas, une bonne pièce que tu vas me choisir, hein, parce que je vais mentionner des artistes, je vais te dire, mettons, 3D Silver Mount Zion. Je me rappelle on est si peu préparé que ça, si peu préparé pour ça. Faire ça. Mumford & Sons, t'as l'air d'aimer ça. Ah oui, j'adore Mumford & Sons, c'est vraiment très bon. Tu viens avec ça? Oui. OK, bon, ben, on va entendre la pièce de Cave, comme ça, de même, juste comme pas préparé de même, pas en tout, puis moi, je trouve que c'est une formule gagnante. Que vous ne me contredirez jamais. Tu trouves pas que ça coulait comme si c'était d'une toast? Quand même, hein? Que tu beurrais avec du beurre déjà chaud, genre. Que t'échapperais puis qui tomberait sur le bon côté pour une fois. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. To fill my time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my cold despite my faults and despite my growing fears. But walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's line. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. To be. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. C'est toujours l'émission en pièces détachées avec Stéphanie Gagné et moi, Mathieu Plante. Kiwan est avec nous aujourd'hui. Quelle belle présence. Est-ce que c'est prouvé, ça, que faire une course avec un nain, on est sûr de gagner? Parce que j'ai entendu ça, là, quelques secondes. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça m'avoir une course de toi, Mathieu, contre un nain. Ah! Je pense que je parierais sur le nain. Merci, t'as tellement raison. C'est une blague. Je prendrais une cote, par exemple. Ouais, ça? OK. Ah, ben c'est bon. Okay. Aujourd'hui, ben, t'es là en particulier pour nous parler du nouvel album de Lunéa. Hein? Ouais, autre c'est que ça. Juste pour nous rendre visite. Ben, ouais, j'avais pas tant envie de vous voir. C'est pour ça qu'au départ, je voulais le faire par téléphone. Mais finalement, ça marchait pas. Donc, non, on a vu tantôt que ça marchait pas. C'est ça. Oui, c'est ça, le nouvel album de Lunéa qui est sorti cette semaine. Lunéa qui n'est pas un groupe si connu que ça. Toi, Mathieu, tu connais Lunéa? Oui, parce qu'ils ont été dans le palmarès. Ouais, c'est ça, il y a une pièce d'eux qui ont été dans le palmarès. Steph, Lunéa? Aucune idée. Aucune idée pour vrai, OK. Ben, Lunéa, c'est un groupe rock francophone et je mettrai aucun adjectif à part que rock sur leur son. Et c'est quand même pas super catchy, hein, ne pas avoir d'adjectif après rock. Ouais. Tu sais, présentement, tu sais, ce qui est super, les groupes qui sont le plus en vue, c'est du indie rock, du électro rock, du pop rock, où il y a toujours un adjectif, mais vraiment, j'essaie de trouver un adjectif à mettre devant le rock de Olinéa, puis à part francophone, il n'y en a pas vraiment. Puis il n'y a quand même pas une super de bonne image autour de l'expression rock francophone. Hein? Non plus, hein. Quand on entend ça, je sais pas, on pense à... Jerry Boulet. Boom Desjardins. Éric Lapointe. Oh. Donc, toutes des choses qui nous donnent vraiment pas envie d'écouter du rock québécois francophone, mais Olinéa, c'est vraiment un très, très bon groupe. Moi, j'avais adoré leur premier album qui était sorti en 2007, qui s'appelait L'ordre des choses. Et c'est un album qui avait pas... t'en parlais tantôt, il y a une pièce ou deux qui ont été sur le palmarès, ouais. Ici. Et d'autres qui jouent beaucoup en rotation en ce moment, encore aujourd'hui. Sauf qu'à part sur quelques radios universitaires et communautaires, il n'y avait pas eu un très gros hype autour de Olinéa, mais il y avait quand même eu de très, très bonnes critiques. Je pense entre autres de la part de Bande à part, qui avait fait une très bonne critique de cet album-là. Puis il y en avait plusieurs d'autres aussi. Moi, c'est un album que j'avais adoré et j'ai fait jouer beaucoup. Et j'ai même réalisé, en regardant le compteur sur mon iPod, que c'était parmi les dans le top 3 des pièces qu'on a le plus joué. Il y en a deux qui sont les pièces de l'album L'ordre des choses de Olinéa. Et c'est quand même un album qui date de quelques années puis que je me tente vraiment pas d'écouter. Le son de Olinéa, c'est comme un mélange assez étrange d'intensité dramatique et de rock pesant. Et Caroline pesant, tu dis? Oui. Ben, ça dépend des pièces. La pièce que je joue dans le palmarès, ici, je me rappelle, c'était comme la plus lourde de l'album. Il y en a qui crient. Tu sais, ça crie par moment. Ouais, ça crie un petit peu, mais quand même, celle-là, c'était vraiment la plus lourde, là. Mais sinon, là, c'est ça, c'est vraiment des mélodies quand même très intenses. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les couches de son qu'il y a dans la profondeur là, et le relief qu'il y a dans la musique de Olinéa, qui avait en fait sur leur premier album, L'ordre des choses, mais qui était toujours un peu camouflé par la lourdeur de la réalisation puis du son final. Donc ça prenait quand même un petit peu d'effort pour apprécier puis pour découvrir les mélodies. Moi, ça m'a pris du temps à l'apprécier, le premier album, L'ordre des choses. Pas une centaine de fois, puis après ça, tu fais comme pas tant, là, mais non. Ça m'a pris quelques mois à l'écouter. Ouais. Puis j'avais acheté l'album parce qu'il y avait une pièce qui, je pense, c'est celle du palmarès, je sais pas trop. Puis c'est vraiment après plusieurs mois d'écoute que j'ai commencé à devenir accro, parce que plus tu l'écoutes, puis tu l'écoutes avec un casque d'écoute, par exemple, puis t'entends vraiment tout le relief. Il y avait, sur le premier album, il y avait 3 guitares. Puis même les lignes de basse étaient toujours très dynamiques, c'était presque mélodique. Des fois, c'était presque comme si t'avais 4 guitares à cause de la basse qui était hyper dynamique. Donc, il y avait vraiment beaucoup de relief à découvrir là-dedans. Mais en même temps, la facture finale était lourde, mais avec quand même une intensité dramatique en arrière de ça. Mmh. Le nouvel album s'appelle La Bête de l'Homme. Il est sorti ce mardi, le 10 août. Ah, souvenir quand tu dis août. Août? Oui. Ah. Ça m'a marqué, ça. Ça fait plaisir. Tu te rappelles du mois août, du mois d'août 2009? C'est ça. On a eu assez de fun. Oh oui! OK, fin de la parenthèse. Ça va faire. L'album est sorti cette semaine, le 10. C'est un album que j'attendais avec beaucoup d'impatience, celui-là, de Olinéa. Et c'est un très bon album, mais le son a quand même changé. C'est moins riche, je dirais, moins texturé, même si le groupe et la compagnie, l'album est produit en passant par Slam Disc, la compagnie disque gérée par Exterio, par Jesse Fuch, ou Fuck, je sais jamais comment dire, de Exterio. Fuka. Donc c'est Slam Disc qui a produit leurs deux albums. Et le son a changé un petit peu. Un son un petit peu plus pop, même si, faut vraiment insister, c'est quand même pas un son pop. La construction des pièces de Olinéa, c'est vraiment pas fait de façon pop. Si on compare par exemple avec le son traditionnel, mettons du pop punk, où t'as toujours t'as une mélodie qui part au début, là, puis c'est super prévisible. Tu peux, en entendant la mélodie du départ, tu peux prévoir les refrains, tu peux prévoir le bridge, le solo, tout. C'est hyper prévisible. Olinéa, c'est vraiment pas construit de cette façon-là. C'est plein de petits riffs, de petites mélodies qui s'enchaînent. Il y a des ruptures de ton. Ouais. Ça part d'un côté, puis à un moment donné, ça change complètement. C'est un variétance musical, comme il dit. C'est construit plus sur la formule métal, je dirais. mais ça ressemble pas du tout là, à du métal. Le mec, c'est quand même construit de façon un peu comme les métalleux construisent leur musique. Ça peut rappeler le métal pour ceux qui connaissent pas tant le métal, peut-être, non? Ouais, c'est ça. Ou je dirais pour ceux qui connaissent au contraire beaucoup la musique là, puis qui voient vraiment les ficelles derrière le son. Okay. Il y a comme des influences. Puis les influences du groupe sont vraiment très, très, très variées parce que d'ailleurs... anecdote qui est, je trouve, pas si intéressante, mais quand même pertinent c'est de le dire. C'est dans ton émission, oui. Mais il y a deux membres du groupe Olina qui sont aussi membres du groupe Kodiak, qui fait complètement un son très, très, très étranger au métal et au rock. Là. C'est comme plus roots, musique du monde, reggae. Vous connaissez le groupe Kodiak? Non? Pas du non tout? Plus. Okay, désolé. C'est quand même un groupe assez populaire là, qui joue sur les grandes chaînes. Donc, c'est ça, il y a deux membres qui sont partis des deux groupes. Donc c'est ça, un nouvel album, un son quand même plus pop, un petit peu moins riche dans les mélodies, dans les arrangements, sauf qu'il y a plus de sonorités différentes. Puis c'est ça que la compagnie de disques dit pour vendre l'album, ils disent un nouvel album plus sensible avec plus de texture, mais c'est simplement au niveau des sonorités. Il y a plus d'instruments, en fait. Il y a de la guitare acoustique qu'il n'y avait pas sur le premier. Il y a du piano aussi. Il y a même une pièce qui est presque entièrement piano-voix. Donc, c'est ça qui pourrait justifier le fait qu'on puisse dire que l'album a plus de texture. Mais vraiment, là, si on l'écoute attentivement, le premier album était beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de relief dans les pièces du premier album. Donc, un son un petit peu plus pop, là, mais c'est juste pour donner une idée que je dis le mot pop. Là, c'est juste pour comme graduer par rapport au premier parce que ça sonne quand même pas si pop que ça. Sur une échelle de 1 à pop, c'est genre 8. C'est 8 pop. Sur 10 pop. Mm. C'est bon. Pop vidéo. Non? C'était bon, ça, pop vidéo, non? C'est quoi, ça? Hey, ah! Il jouait un vidéoclip Keten. Ben, c'était pas voulu Keten. C'était la musique que le monde aimait à ce moment-là, mais c'était Keten. Bon. Puis là, il y avait des pop-up. Ouais, sur des informations qui avaient rapport au clip, à l'artiste, peu importe. C'est cœur. Un peu comme sur le site qu'il y avait dans mon plat favori. Ben il y oui. a des pop-up. Y a-tu des liens dans ces missions-là? On va entendre du Olinéa. Tu nous as choisi la pièce... La pièce... Mais tu vois, c'est drôle, j'ai choisi la pièce La Bête de l'Homme, sauf que c'est pas tant... La pièce s'appelle comme l'album, sauf que... je sais pas, moi je l'ai acheté en version numérique, je sais pas sur la version physique CD... Il y a deux choix de format, deux choix d'album, parce qu'il y a l'album, si vous allez sur, si vous achetez l'album en format numérique, vous avez deux choix. Vous avez l'album régulier ou la version deluxe. Ouais. Sur la version deluxe, il y a deux pièces Bonnie et la vidéo aussi du premier extrait. Le premier extrait officiel qui a commencé à jouer déjà, que j'ai entendu, que j'ai vu à Musique Plus et que j'ai entendu à quelques endroits. La pièce s'appelle Métronome et le vidéoclip est pas très bon. J'aime autant vous le dire, ça vaut pas tant la peine de... faites pas un achat spécial juste pour le clip. Sauf que la version de luxe, pour vrai, si vous achetez la version de luxe, vous avez la pièce La Bête de l'Homme. C'est étrange, hein, parce que la pièce... C'est ça, la pièce titre. Elle se retrouve seulement sur la version de luxe. Et c'est vraiment, je trouve, les deux pièces qui sont sur les deux pièces en Bonnie, là, sur la version de luxe, sont les deux meilleures. Sont celles, en fait, qui ressemblent le plus au son du premier album. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu les mettre sur le deuxième album. Ils voulaient comme changer un peu le son, puis pas mélanger les gens qui viendraient de découvrir Olinéa ou je sais pas trop. Mais les deux pièces, là, qui sont L'Étau et La Bête de l'Homme, me font beaucoup penser au premier album, mais c'est probablement pour ça que j'ai plus aimé ces pièces-là. Parce qu'entre les deux, je préfère encore L'Ordre des choses, le premier album. Mais celui-là, La Bête de l'Homme, est quand même très, très bon. Ça vaut vraiment la peine de se le procurer. Même, je dirais que ça vaut la peine de se procurer la version deluxe pour avoir les deux pièces Bonnie. Mm-hmm. Je ne serais pas obligé d'écouter, là, au pire, le vidéo qui n'est pas très bon, qui est en fait surévalué, je dirais. Ah, parce que... J'ai lu plein de commentaires qui disent « Ah, wow, c'est donc bon, ce clip-là. » C'est rempli de clichés, là, avec un paquet de figurants qui font des choses clichés. OK. Ça m'intrigue tout d'un coup. Mais il y a quand même beaucoup de succès sur YouTube, et je pense même à Musique Plus, ce clip-là. Attends, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de succès sur Internet, online, ou comme on dit en grec, Olinéa. Exactement. Mais je pense que ce clip punk, je pense que c'est à cause du grand nombre de figurants qu'il y a dans le clip. Et leurs amis et leur famille. Exactement. Si tu veux avoir du succès dans ton clip, tu t'arranges pour avoir 200 figurants dedans, puis c'est sûr que tout le monde va vouloir se voir. Et voilà. On va t'épouser. Donc, on écoute la pièce La Bête de l'Homme de Olinéa maintenant. C'est très bon. Où ça? C'est ma préférée de l'album. OK. Je pense que t'allais la présenter plus comme... Sous qu'on dise... Alors, on écoute ça sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Ils font tout le temps ça, d'ailleurs. C'est ma parodie de... tiens, tu t'imposes, je m'éteins. J'ai abandonné mon visage à la perte de l'heure. Ça devient mon gouvernail, ça devient ma faute. J'ai repris la couleur du cœur. C'était La Bête de l'Homme de Oulinéa, la pièce titre de l'album, mais qui n'est pas réellement sur l'album. Qui est une pièce bonus sur la version de luxe. Exactement. Faut payer à un moment donné pour du luxe, hein? Hein? Hein? Ben oui. C'est pas gratuit le luxe, Mathieu. C'est ça. La luxure non plus. La luxe. C'est toujours Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Lui, c'est Kiwan. Il y a aussi Stéphanie Gagné et moi, Mathieu. Yes! Il nous reste seulement une dizaine de minutes, un petit peu moins, à Assemblage Requis. La spirale va suivre le jeudi à partir de 18h. Et puis le samedi, ben, il va y avoir l'émission de vestibule plus tard à 21h. Mais pour l'instant, on retourne en musique. Hein? On va aller retourner en musique parce qu'à un moment donné, la musique, c'est la vie. Avant, je disais que Facebook, c'était la vie. Maintenant, j'ai changé d'idée puis c'est la musique. Ah, ah, ah. Quand même, priorité dans la vie. Hein? Hein? On écoute les yéyéyès tout de suite. Sur C'est fou. Shake it like a latitude song. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather on. Les Yeah Yeah Yeahs et la pièce Zero de l'album It's Blitz à Assemblage Requis. Et c'est la fin de l'émission de cette semaine. Kiwan, Mathieu, merci d'être venu. Ben, c'est un plaisir. À la prochaine fois. À la prochaine. Ben ouais. Stéphanie Gagné, salut. Ben, jeudi prochain. Ben oui, il nous en reste trois. Yes. Yes. Reste à l'écoute les jeudis. Ça va être la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle, suivi de Skypunka avec notre camarade Bear. Si vous êtes le samedi, restez là pour... Je sais, c'était ridicule. Le vestibule commence à 21h. Sinon, on se retrouve jeudi prochain à 15h pour une autre édition d'Assemblage Requis avec tellement de chroniques, dont notre série sur le camping avec Émilie Gauthier. C'est la semaine prochaine. Bonne soirée et bonne banane. C'était un concept de fin d'émission, mais ça restera sûrement pas. Yes, I can.